Deuxième livre des Chroniques, chapitre 3. Et Salomon commença de bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été montrée à David son père, dans le lieu que David son père avait préparé en l'air dormant jébusien. Et il commença de la bâtir, le second jour du second mois, la quatrième année de son règne. Or ce fut ici le dessein de Salomon pour bâtir la maison de Dieu. Pour la première mesure, 60 coudées de long, et 20 coudées de large. Et le porche, qui était vis-à-vis de la longueur, en front de la largeur de la maison, était de 20 coudées, et la hauteur de 620 coudées, et il le couvrit par dedans de pur or. Et il couvrit la grande maison de bois de sapin, il la couvrit d'un or exquis, et il y releva en bosse des palmes, et des chaînettes. Et il couvrit la maison de pierre exquise afin qu'elle en fût ornée, et l'or était de l'or de Parvaïm. Il couvrit donc d'or la maison, ses sommiers, ses poteaux, ses murailles, et ses portes, et il entailla des chérubins dans les murailles. Il fit aussi le lieu très saint, dont la longueur était de 20 coudées selon la largeur de la maison, et sa largeur, de 20 coudées, et il le couvrit d'un or exquis, montant à 600 talents. Et le poids des clous montait à 50 cycles d'or, il couvrit aussi d'or les voûtes. Il fit aussi deux chérubins en façon d'enfant dans le lieu très saint, et les couvrit d'or. Et la longueur des ailes des chérubins était de 20 coudées, tellement qu'une aile avait 5 coudées, et touchait la muraille de la maison, et l'autre aile avait 5 coudées, et touchait l'aile de l'autre chérubin. Et une des ailes de l'autre chérubin, ayant 5 coudées, touchait la muraille de la maison, et l'autre aile ayant 5 coudées, était jointe à l'aile de l'autre chérubin. Ainsi, les ailes de ces chérubins étaient étendues le long de 20 coudées, et ils se tenaient droit sur leurs pieds, et leur face regardait vers la maison. Il fit aussi le voile de pourpre, d'écarlate, de cramoisi, et de fin lin, et il fit par-dessus des chérubins. Et au devant de la maison il fit deux colonnes, qui avaient 35 coudées de longueur, et les chapiteaux qui étaient sur le sommet de chacune étaient de 5 coudées. Or comme il avait fait des chaînettes pour l'oracle, il en mit aussi sur le sommet des colonnes, et il fit 100 pommes de grenade, qu'il mit aux chaînettes. Et il dressait les colonnes au devant du temple, l'une à main droite, et l'autre à main gauche, et il appela celle qui était à la droite, Jacquin, et celle qui était à la gauche, Boaz.